vivre dans le souvenir. Ça peut faire souffrir. Vivre dans le présent. À présent je m'en fous, puisque je pars. Puisque je pars. Puisque je pars. Puisque je pars. Notre nous est en deux. Entre nous ennuyeux. Vivre dans ce présent. À présent je m'en fous. Puisque je pars. Puisque je pars. Puisque je pars. Que je pars. Inutile de fuir. Mieux vaut survivre. Survivre dans ce présent. À présent je m'en fous. Puisque je pars. Je pars. Puisque je pars. Puisque je pars. Puisque je pars.